بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إن شاء الله تعالى on poursuit quant à la biographie du prophète عليه الصلاة والسلام. Et la semaine dernière on avait parlé de l'arrivée du prophète عليه الصلاة والسلام avant tout à Quba et ensuite à Médine. On s'est arrêté là. Donc on avait rapporté que le messager d'Allah عليه الصلاة والسلام s'est arrêté dans la ville qui s'appelle Quba, d'accord, et qui est dans la, ou à la périphérie de Médine. Et on avait dit que ici il y avait des gens qui ont accueilli le prophète alayhi salatu wassalam. De quelle façon ils ont accueilli le prophète alayhi salatu wassalam? C'était avec joie, d'accord, c'était avec joie, ils étaient heureux يعني, d'accueillir le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, accompagné d'Abu Bakr radiyallahu anhu wa arda. Ils étaient vêtus d'habits blancs, comme on l'a cité la semaine dernière. On a rappelé l'importance يعني, de faire attention à sa tenue vestimentaire en islam. Donc on voit qu'ils n'ont pas négligé même leur tenue vestimentaire alors qu'ils étaient en voyage. Et on sait très bien que le voyage, ça apporte difficulté, ça apporte fatigue, etc. C'est pour ça que le prophète alayhi salatu wassalam a dit dans un hadith al-sahih, il dit que le voyage est une partie, avec une traduction approximative, des tourments. D'accord ? C'est une partie du tourment ou qui fait partie des tourments. Donc on voit que le voyage en général et de façon générale ça apporte fatigue, ça apporte faiblesse, et la personne quand elle est en voyage elle a hâte de rentrer chez elle. Et ça, ça concerne les voyages qu'on connaît au jour d'aujourd'hui, d'accord, comme le fait de prendre l'avion pendant 2 heures, 3 heures, le fait de prendre la route en voiture avec la clim, avec un poste radio, alhamdoulilah, dans le confort, même ne serait-ce que pour aller jusqu'au Maroc, mais on trouve en général ou de façon générale le confort. Et on voit que déjà ça nous apporte faiblesse, ça nous apporte fatigue, etc. Que dire du voyage qu'ont connu les compagnons et le messager d'Allah alayhi salatu wassalam à leur époque? Ce voyage qui était dans le désert pendant des jours et des jours, à dos de chameau et quelquefois à pied, et accompagné de quoi? Accompagné de cette peur, parce que derrière eux il y avait quoi? Il y avait des gens qui ne souhaitaient que yani, de vouloir, ou alors ils n'attendaient que de les tuer, de les attraper pour les tuer. Et malgré ça, on voyait qu'ils avaient toujours confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, ils patientaient et ils ne se plaignaient jamais quant aux fatigues qu'ils rencontraient, etc. Et on voyait que ici le messager d'Allah alayhi salam est arrivé à Médine avec des habits blancs, et on a parlé de la tenue vestimentaire du musulman que doit avoir, et principalement que doit avoir le musulman dans la prière. Donc il doit soigner sa tenue vestimentaire, le musulman est propre, surtout quand il rentre à la mosquée. Il faut savoir que le musulman, quand il rentre à la mosquée, ce qui est recommandé, c'est qu'il pratique as-siwak pour avoir une bonne odeur dans la bouche, car le prophète alayhi salatu wassalam a dit que, avec une traduction approximative, fis-sahih, que les anges détestent ce que déteste Bani Adam. D'accord? Les enfants de Adam. C'est-à-dire comme mauvaise odeur. Les mauvaises odeurs qui sont détestées par les êtres humains, par les gens, ici, il faut savoir que ces mauvaises odeurs sont détestées aussi par le malaïka. Donc ça veut dire que quand tu rentres en prière et que tu sens yani, une odeur d'oignon ou alors d'ail, ou bien a fortiori aussi de tabac, donc il faut savoir que le malaïka déteste cette odeur. Et ce qui t'est demandé, c'est de ne pas venir à la mosquée avec cette odeur mauvaise dans ta bouche. Comme le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit, il a interdit à la personne qui mange de l'oignon de se rendre à la mosquée. D'accord? Sauf s'il a réussi à enlever cette odeur-là. Car le musulman est propre et le musulman a yani, de beaux vêtements pour se présenter devant Allah subhanahu wa ta'ala, a une bonne odeur quand il prie, même en dehors de la prière. Yani, le musulman reflète la pureté, la bonne odeur, et yani, il donne envie aux non-musulmans d'adhérer à l'islam, ne serait-ce qu'avec ça, son apparence physique. C'est ça le musulman. Amma le fait de faire ce que certains le font. Yani, il a une barbe, masha'Allah, Allahi berk, c'est masha'Allah, ça relève de la sunna obligatoire, etc. Lakin ala kulli hal, il a une barbe, il ne prend jamais soin de sa barbe. Et tu vois la barbe, tout est bourrifié, et tu vois le qamis, masha'Allah, on dirait que c'est un qamis qui date, ou alors qui date je sais pas de quelle année, avec des trous partout, et ensuite il dit ça, masha'Allah, moi ça fait partie de zuhd, la partie de l'ascétisme. Et tu le vois, wallah, il a adé, moi je comprends pourquoi il y a des non-musulmans qui ont peur quand ils voient des gens comme ça marcher dans la rue. Je vous dis honnêtement. Il y a une différence entre avoir un beau qamis propre, bien repassé, Et il n'y a pas de mal, je dis, il n'y a pas de mal de mettre autre chose qu'un qamis. Ça, ce n'est pas interdit. La majorité des savants disent qu'il n'y a pas d'interdiction. D'accord? À partir du moment où ce vêtement respecte les conditions, yani islamiques. C'est pas un vêtement qui sert à la peau, etc., etc., comme on l'a déjà détaillé. À la kulihal, le musulman, yani, est propre. Le musulman aspire la propreté et donne envie aux non-musulmans de découvrir cette religion avec son apparence physique. D'accord? Et celui qui dit, moi, je fais partie des ascétismes où j'essaye d'acquérir az-zuhd à travers mon délaissement. Il y en a dans ma tenue vestimentaire, on dit que ce n'est pas sa zuhd. On dit que ce n'est pas sa zuhd. Az-zuhd, ya akhil karim, fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Demandez et interrogez les gens de science si vous ne savez pas. Va interroger les gens de science concernant la définition ta'rif ou zuhd. La définition de zuhd, l'ascétisme, avec une traduction approximative. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qu'il a dit l'imam Ahmed? Al-imam Ahmed. L'imam Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah ta'ala. Et on sait que l'imam Ahmed a été appelé aussi, ou surnommé, l'imam de la sunnah. Il dit que az-zuhd, c'est quoi? Tarkul haram, ou tarkul ma'asi. Regardez, qui va penser à ça? Az-zuhd, l'ascétisme, c'est le fait de délaisser le mal, l'illicite, les désobéissances. Ça, c'est l'ascétisme. Ça, c'est le délaissement. Parce que quand on parle d'ascétisme, on parle de quoi? De délaissement. Il dit, c'est le fait de délaisser l'illicite. Ça, c'est zuhd. Et Ibn Qayyim et d'autres ont dit, de façon générale, que zuhd, l'ascétisme, c'était le fait d'avoir ad-dunya entre tes mains. Ou dans tes poches, ce que tu veux. Ou dans ton compte. Pas de problème. Mais le moins, tu l'as. Tu l'as, cette dunya. Pas de mal. Même si tu es riche. Même si tu es riche, tu peux être parmi les ascètes. Car l'ascétisme, c'est le fait d'avoir ad-dunya entre tes mains, mais pas dans ton cœur. Voilà, ça c'est zuhd. C'est-à-dire bien que tu aies, yani, des millions ou que tu n'aies rien, cette vie d'ici-bas, toi, tu ne la fais pas rentrer dans ton cœur. Ça c'est zuhd. Amma le fait de croire que parce que tu as des habits troués, ou yani que tu as un kamis qui, on dirait, qui, je ne sais pas de quelle année il date, et année la barbe tout est bourrifiée et tu prends pas soin de toi et tu dis c'est ça zuhd, et ben ça n'a rien à voir avec zuhd. Et qu'à côté tu passes ta journée à critiquer, qu'à côté tu passes ta journée à délaisser les actes surérogatoires, qu'à côté tu n'as jamais fait qiyam al-layl, qu'à côté quand tu dois donner fils à bilillah ne serait-ce que 20 euros par mois pour la cotisation dans une mosquée, tu dis ah ça fait mal au cœur, ton cœur il vibre et tu me dis que zuhd ça reste dans ton kamis déchiré. T'as rien compris. Toi tu n'as ni dunya ni l'akhira avec ça. Au moins, habille-toi bien, au moins, ba'da, t'auras gagné quelque chose. Amma zuhd, si tu crois que c'est ça, c'est pas ça. Ça, c'est n'importe quoi. Et comme le prophète, alayhi salam, il dit dans un hadith sahih, Allah subhanahu wa ta'ala aime que son serviteur montre ou fait apparaître les traces des bienfaits d'Allah azza wa jal sur lui. Hadith sahih. Allah subhanahu wa ta'ala, il aime que le serviteur fasse apparaître les traces, al-athar, les traces des bienfaits d'Allah azza wa jal sur lui. D'accord? Ça, c'est une forme de reconnaissance. Tout en sachant que tu ne t'enfles pas d'orgueil. Ou alors, tu n'utilises pas ces bienfaits pour te sentir supérieur aux autres. Vous connaissez le hadith al-sahih où le messager d'Allah, alayhi salatu wasalam, a dit, la yadkhulu al-jannah man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibr. Celui qui rentre, s'il y a le poids d'un atome de cœur, d'orgueil, afwan, n'entrera pas au paradis. Le poids d'un atome d'orgueil. Et les compagnons ont eu peur. Ils ont dit, ya Rasulallah, les compagnons, as-sahaba, la preuve, c'est pas ça, zuhd, le fait d'avoir de mauvais habits, tout simplement. Abadan. Les sahaba, radiyallahu anhum wa ardhahum, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, ya Rasulallah, il y a des gens parmi nous qui aiment avoir de beaux habits et de belles sandales. Le prophète, alayhi salam, il a dit, inna allaha jamil yuhibbul jamal. Voilà. Allah est beau, il aime tout ce qui est beau. Il a dit, c'est pas ça le kibr. Il a dit, c'est batarul haq wa ghamtun nas. Il a dit, c'est le fait de quoi? De dénigrer, ou alors de rejeter la vérité et de mépriser les gens. Ça, c'est le kibr. Rejeter la vérité, ne pas accepter la vérité, mépriser les gens. Ça, c'est le kibr. Bien que tu aies des habits troués, tu fais partie de l'mutakabbir wal'iyadu billah si tu as ces critères-là. Tu rejettes toujours la vérité et tu méprises les gens wal'iyadu billah. Ça, c'est le kibr. Amma le fait d'avoir de beaux habits, le prophète a répondu, inna allaha jamil yuhibbul jamal. Donc il faut avoir une compréhension religieuse comme il se doit, yani, quant à certaines définitions. D'accord? Donc ici, on sait que c'est ça, az-zuhd. Mais le fait d'avoir de beaux habits, c'est demandé en islam, surtout nous dans les pays non musulmans, qui on sait qu'on montre du doigt les musulmans. Si tu veux vraiment appliquer la sunna et tu veux vraiment y aller prendre la vie qui est que le fortement recodé ou l'obligatoire pour vraiment une minorité de savants, c'est de porter le qamis. À la kulli, moi c'est pas mon avis, hein. Lakin la majorité des savants, ils optent يعني, pour le fait que tu mettes un qamis ou pas de qamis. Il n'y a pas de, de choses illicites dans ça. Le fait de ne pas mettre de qamis à partir du moment où tu respectes les conditions religieuses quand tu ne mets pas de qamis. À la kulli hal, ici, quand tu sais que tu mets un qamis, donc on va te montrer encore plus du doigt. Quand tu sais que tu as une barbe, on va te montrer encore plus du doigt. Donc à toi d'essayer de montrer au moins la belle apparence du, de la tenue musulmane. La belle apparence de, du musulman. Yani la vraie face de l'islam. Comme quoi le musulman est propre. Comme quoi le musulman aime les bonnes odeurs. Comme quoi le musulman se purifie la bouche. Comme quoi le musulman se purifie. Comme quoi le musulman fait ses ablutions. Comme quoi le musulman aime la propreté. C'est ça le musulman. C'est ça le musulman. Inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Allah aime ceux qui se repentent et ceux qui se purifient. Allah Azza wa Jalla aime ces choses qui font partie de l'islam. D'accord? Donc ici, il faut faire attention à ça. À la kulli hal, le prophète alayhi salatu wa salam est arrivé à Quba. Il a été accueilli avec quoi? Avec des applaudissements, avec des sifflets, avec des femmes qui crient, avec des you-you-you, hein, comme on voit, masha'Allah. C'est ça? On sait que le meilleur des exemples, c'est le messager d'Allah alayhi salatu wa salam. Et quand le prophète alayhi salatu wa salam interdit une chose, c'est que cette chose est interdite. Quand le messager d'Allah alayhi salatu wa salam voit une chose et il ne dit rien, ça fait partie de as-sunnah at-taqririyya. C'est-à-dire que le messager d'Allah alayhi salatu wa salam a vu des choses et il n'a rien dit, il n'a pas interdit. Donc ça, c'est une chose autorisée en islam. D'accord? Parce que le prophète alayhi salatu wa salam n'a rien dit sur la chose qui a été faite. On voit que les gens qui ont accueilli le prophète alayhi salatu wa salam, c'était ni avec des sifflets, ni avec des femmes qui crient, ni avec des femmes qui se dénudent, ou ni avec yani, des applaudissements des hommes. Abadan. Pourquoi? Parce que toutes ces habitudes-là, en général, sont répandues dans les endroits malsains. C'est vrai ou pas? Hein? Où on va trouver des gens qui applaudissent et hurlent, et des femmes qui crient, hein? Et des gens qui sifflent? Est-ce que c'est dans les mosquées? Est-ce que c'est au pèlerinage? Est-ce que c'est à Médine dans la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam? Est-ce que c'est dans ces endroits sains ou c'est dans des endroits qui sont de façon générale malsaines? Vous le savez, vous connaissez la réponse, c'est clair. Donc ça, ce n'est pas les habitudes du musulman. Jusqu'à ce que le prophète l'a dit dans Sahih, il dit At-tasfiq lin-nisa wa at-tasbih lir-rijal. Il dit dans un hadith authentique At-tasfiq, le fait d'applaudir, c'est pour les femmes. Et At-tasbih lir-rijal, le fait de dire Subhanallah, Alhamdulillah, ça c'est pour la prière. Mais de façon générale, on sait que l'applaudissement c'est pour les femmes, ce n'est pas pour les hommes. D'accord? Donc regardez comment le prophète alayhi salatu wassalam a détaillé le comportement du croyant et de la croyante. Donc ils ont accueilli d'une façon saine, pure, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Le prophète, quand il est arrivé à Quba, il a construit la première mosquée après la prophétie. Mais comme on avait dit, la première yani, mosquée édifiée, ce fut Baytullah al-Haram. Donc c'était à Mecca, donc la Kaaba. D'accord, mais là moi je parle après la prophétie, c'est Masjid Quba, donc la mosquée de Quba. Et comme on avait cité le hadith, le prophète alayhi salam a dit celui qui parfait les ablutions, d'accord, et qui sort de chez lui pour se rendre à Masjid Quba et qui fait une prière, donc deux unités de prière, et yani, après ces deux unités de prière, il a la récompense d'avoir une umrah complète, une umrah complète. D'accord, c'est la première mosquée que le prophète alayhi salatu wassalam a fait. Ensuite, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a poursuivi yani, son chemin vers Médine. D'accord? Et quand il est arrivé à Médine, bien sûr, ils l'ont accueilli avec Allahu Akbar, Allahu Akbar, les femmes, les enfants, les personnes âgées, tout le monde est sorti pour accueillir le messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Alors qu'à Médine, il n'y avait pas que des musulmans. D'accord? Il n'y avait pas que des musulmans, il y avait surtout aussi des juifs. D'accord? Et on va voir comment le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, et c'est une chose très importante ici, à voir, yani, à organiser la société à Médine. Comment il a commencé à construire ici cette société à Médine? Comment il a renforcé les liens de fraternité à Médine? Comment il a monté, yani, et organisé la vie à Médine? D'accord? Donc il n'a pas fait n'importe quoi le prophète alayhi salatu wassalam. Donc il est arrivé à Médine. Ils l'ont accueilli à Médine avec joie. Et là, plusieurs personnes ont voulu, bien sûr, accueillir le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. D'accord? Il y a yani, des gens qui ont voulu, ou tous les compagnons, hein, la majorité, ont voulu accueillir le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, chez eux. D'accord? Parce que le prophète, alayhi salatu wassalam, n'avait pas encore un lieu où il pouvait dormir, etc. Et il n'y avait pas encore de mosquée à Médine. Hein, et certains savants Et certains, il y en a parmi Ahlus Siyar, donc les gens qui rapportent les biographies du prophète Al-Sam, disent que c'était un Jumu'a, d'accord? Un vendredi. À la kulli hal, on sait que le messager d'Allah, alayhi salatu wa salam, est arrivé là-bas et que de nombreux croyants, de nombreux compagnons ont voulu l'accueillir. Et là, le prophète, alayhi salatu wa salam, à ce moment-là, quand il est arrivé à Médine, il est arrivé à Médine avec Abu Bakr radiallahu anhu arda et d'autres, et il était avec sa chamelle. Et l'histoire est connue. Donc à ce moment-là, le prophète alayhi salam a laissé sa chamelle yani marcher. Et il a dit, laissez-la marcher, yani, avec une traduction approximative, jusqu'où Allah subhanahu wa ta'ala yani, la guidera, ou fera qu'elle s'arrête. Et la chamelle a commencé à marcher. Elle s'est arrêtée un moment. Elle s'est relevée et elle a remarché un moment. Et elle s'est arrêtée. Et le prophète alayhi salam a dit, c'est là où on construira la première mosquée de Médine. Et voilà la mosquée qu'on appelle, par exemple, comme on voit souvent, Al-Masjid Al-Nabawi. Donc la mosquée du prophète, alayhi salatu wassalam, yani, qu'on visite au jour d'aujourd'hui et qu'on voit quand on se rend à Médine. Donc à partir de ce moment-là, le prophète alayhi salatu wassalam a décidé de construire la mosquée ici, et c'est à cet endroit où il a construit aussi sa demeure, collée à la mosquée. Collée à la mosquée. Donc la chamelle s'est arrêtée à cet endroit, et entre-temps, le temps que cette mosquée soit construite, la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam, il fallait héberger le prophète alayhi salatu wassalam. Ce n'était pas un problème pour lui, car tout le monde se disputait pour l'héberger. C'est un honneur. Et comme on a dit dans le cours précédent, sinon on nous poserait la question, qui aimerait bien héberger le prophète alayhi salatu wassalam? Tout le monde était, hein, ou tout le monde disait dans sa tête au début, moi. Mais si j'avais dit, et quand j'ai dit, mais qui est prêt à accueillir juste, pas héberger, juste 5 minutes le prophète, mais tout de suite, d'accord, tout de suite, le prophète chez lui, et le prophète te suit avec toi chez toi, qui est prêt à l'accueillir? Je pense pas qu'il y aurait beaucoup de monde qui serait prêt à l'accueillir. Quand le prophète il rentre avec toi, il te regarde, tu gardes les mêmes habitudes, il va voir ton frigo, il va voir comment tu vis. Ça c'est autre chose. On aurait peut-être tous honte, et moi le premier. À la kulli hal, on voit que as-sahaba radiyallahu anhum ardahum, c'était un vrai amour. Un vrai amour. Pourquoi c'était un vrai amour? Car ils l'avaient prouvé. Quand ils sont partis, ils ont eu l'ordre d'émigrer de Mecca à Al-Madina, ils n'ont pas posé de questions, alors que quoi? Il fallait partir d'un endroit où ils ont vécu. Et on sait très bien que juste le fait de quitter ta ville dans le même pays, en sachant que tu ne risques rien dans l'autre ville, d'accord? Tu ne risques rien. Mais juste le fait de partir juste à 200 km ou 300 km de ta ville, quelquefois les gens sont perdus. Même si tu es dans un pays musulman, tu pars d'une ville musulmane, du pays musulman, à une autre ville, tu te sens un peu perdu, un peu comme, parce que tu n'as plus tes repères. Alors imaginez-vous à leur époque, ils partent et ils délaissent leur ville natale pour la plupart, en délaissant leur famille, en délaissant leur épouse, en délaissant leur commerce, en délaissant leur habitation, leur maison, en délaissant tout pour partir à 500-600 km, traverser le désert. Pourquoi? Pour satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez ça, ce n'est pas n'importe quoi, c'est des choses à Médine. C'est pas simplement, ils ont fait l'immigration, ils sont partis à Médine. Attention, ils savaient que peut-être la vie de leur famille était en jeu. Là, qu'ils ont accepté, ça c'est le vrai amour. Et cet amour-là, il se travaille. Cet amour-là, il se travaille. Il y a deux types d'amour. Il y a deux types d'amour. Il y a l'amour at-tabi'i, naturel, inné. On va dire inné. C'est l'amour qu'on voit ou qu'on retrouve, comme disent les savants, yani, chez l'enfant envers son père. D'accord? L'enfant envers son père, les parents envers l'enfant. C'est un amour naturel, inné. D'accord? Yani, tu grandis avec, tu n'as pas besoin de dire, bon, je vais faire des efforts pour aimer mon père. Ma... Tu l'aimes, tu l'aimes. Tes parents, tu les aimeras, tu les aimeras. Allah a mis ça dans ton cœur. C'est clair. Et il y a l'amour qui, yani, est acquéri. Ça, c'est autre chose. C'est un amour qui vient après réflexion, après méditation, après avoir fait, fourni un effort. C'est l'amour, yani, qu'on retrouve, yani, envers Allah et envers le prophète alayhi salatu wassalam. Qui va nous dire le contraire? Quelqu'un qui va dire non, ça c'est un amour tabi'i. On va dire tu es un menteur. Tu es un menteur. Comment ça? Toi tu vas rentrer dans la religion, du jour au lendemain tu vas dire j'aime Allah, j'aime le prophète alayhi salatu wassalam, alors que tu n'as jamais entendu parler ni d'Allah ni du prophète alayhi salatu wassalam. Ou du moins du prophète alayhi salatu wassalam. Tu peux pas. C'est un amour qui se travaille, comme disent les savants. Et c'est pour ça qu'ils disent les savants, minhum, et parmi Ibn Qayyim rahmatullahi alayhi, il dit tu ne pourras aimer Allah subhanahu wa ta'ala que lorsque tu auras appris à connaître Allah Azza wa Jal à travers ses noms et ses attributs. Tu pourras jamais connaître Allah, aimer Allah Azza wa Jal que lorsque tu auras appris à connaître, donc ça s'acquiert, appris à connaître Allah à travers ses noms et ses attributs. D'accord ? Après réflexion, méditation concernant les noms et les attributs d'Allah Azzawajal. Quand tu vas étudier la biographie du prophète alayhi salatu wasalam, ça va rajouter quoi ? L'amour. De l'amour envers le prophète alayhi salatu wasalam. Même si tu n'entends jamais parler du prophète alayhi salatu wasalam, comment tu vas aimer le prophète ? Tu vas aimer le prophète avec la langue. Mais pas dans l'application. Pas dans l'application, c'est pas possible. Même quand tu vas apprendre à savoir que le prophète alayhi salatu wasalam a tout sacrifié pour la communauté. Quand le prophète a appris aux compagnons et année de sacrifier tout ce qu'ils avaient entre les mains pour le bien de la communauté, pour acquérir l'agrément d'Allah Azza wa Jal, le prophète pensait à la communauté plus qu'à lui-même. Yani ça te pousse à aimer le prophète. C'est un amour qui s'acquiert. D'accord? Il n'est pas donné gratuitement. D'accord? Et tu le trouves pas dans un, hein, comme disent certains, paquet bonus. C'est-à-dire, tu te, du jour au lendemain, c'est bon, j'aime le prophète, j'aime Allah, j'aime Sahaba, j'aime. Tu connais même pas c'est qui Abu Bakr. Comment tu vas aimer Abu Bakr? Tu connais pas Omar ibn al-Khattab. Comment tu vas aimer Omar ibn al-Khattab? Tu connais pas c'est qui, y a des compagnons, comment tu vas les aimer? Tu ne peux pas. Et c'est un amour aussi qui, pour certains savants, c'est l'amour aussi qu'on retrouve dans le couple. D'accord? Dans le couple. Certains, disent coup de foudre. D'accord? D'accord? Ils marchaient dans la rue, l'autre marchait dans la rue, il s'est vu, ah, coup de foudre, ah, on s'est aimé, on est tombé amoureux, on se marie. 6 mois après, ils divorcent. D'accord? La preuve que ça, c'est pas un amour solide. Pourquoi? Vous regardez les pourcentages de divorce, bon, chez les musulmans, on est pas mal maintenant. Lakin, chez les non-musulmans, qui bâtissent, yani, leur amour sur quoi? Ou plutôt leur relation conjugale sur quoi? Sur l'amour. Sur l'amour. Pourquoi un non-musulman va se marier avec une non-musulmane? Pourquoi? Parce qu'il va dire je l'aime, je tombe amoureux d'elle, c'est vrai ou pas? Et il va dire je l'aime en Allah parce qu'elle fait qiyam al-layl, c'est parce que je l'aime. Et combien de pourcentage? Il y a plus, alhamdoulilah en tout cas, hein, on dit alhamdoulilah que ça soit pas l'inverse, mais il y a plus de divorces chez les non-musulmans que chez les musulmans, ça c'est clair. Et on voit que la plupart des non-musulmans, quand ils se marient, ça tient quasiment jamais. C'est très rare. Chez les musulmans, maintenant, c'est devenu une maladie. La kina, ala kulli hal, chez les non-musulmans, c'est pire. Pourquoi? Parce que l'amour qui, a été acquéré par ce coup de foudre, c'est un amour qui vient de quoi en général? Poussé par les passions. Al-shahawat, al-hawa. Ça ne dure pas, c'est éphémère. Un mal amour que je vous dis qui se travaille, nous, c'est un amour qui se construit. C'est un amour qui s'acquiert après méditation, après effort, etc. Et c'est cet amour-là qu'on retrouve en général chez les parents aussi. D'accord? Chez nos parents, qui, ça fait des années et des années qu'ils sont mariés, qui sont toujours ensemble. Pourquoi? C'est un amour qui s'est construit d'année en année. D'accord? D'année en année. Certains, même jusqu'à ce qu'on a entendu de nos parents, il n'a vu sa femme que, après qu'ils aient fait le contrat de mariage. Mais 30 ans qu'ils sont mariés, ils sont toujours ensemble. Alhamdoulilah. Ils sont partis dans des bases licites, et c'est un amour qui se construit. D'accord? Donc ça, c'est un amour qui s'acquiert aussi. C'est la même chose. Donc simplement pour vous dire qu'il y a deux types d'amour. C'est pas pareil. On dit pas du jour au lendemain, je vais aimer le prophète. On n'a rien sans rien. Tu t'assois, tu écoutes et tu apprends la biographie du prophète. Bi-idnillah, tu l'aimeras. Amma, si tu te détournes et tu dis, bon, moi, je suis un savant, je ne sais qui, et j'entends quelquefois un hadith par-ci, par-là, un verset par-ci, par-là, je vais aimer le prophète. Tu vas l'aimer avec la langue, pas avec le cœur. Tu vas l'aimer avec la langue, pas avec le cœur. Ça, c'est sûr et certain. Ils ont accueilli le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, comme on a dit, avec joie. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il a été reçu par ses oncles qui étaient les Bani Najjar. Donc c'est, ils faisaient partie des oncles du prophète. Les Bani Najjar, ils faisaient partie des oncles du prophète, alayhi salatu wassalam. Et parmi eux, il y avait Abu Ayyub al-Ansari, radiyallahu anhu wa arda. Et c'est lui qui a pris les bagages du prophète, alayhi salatu wassalam, et qui a accueilli et qui a eu l'honneur d'accueillir le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, chez lui directement. D'accord? Et on sait que Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu arda, comme il est relaté dans de nombreux récits prophétiques authentiques, il habitait dans une maison où il y avait un étage. D'accord? Je pense que c'est connu pour la majorité. Et le prophète alayhi salatu wasalam est parti habiter chez Abu Ayyub al-Ansari quand il est arrivé à Médine. D'accord? Et quand il est parti chez Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu arda, Abu Ayyub al-Ansari habitait à l'étage. Et le messager d'Allah alayhi salatu wasalam habitait au rez-de-chaussée. Et Abu Ayyub al-Ansari, donc certains savants disent que c'était parce que le prophète alayhi salam ne voulait pas déranger Abu Ayyub al-Ansari parce qu'il recevait des gens, etc. Donc s'il habitait à l'étage, les gens auraient dû passer par le rez-de-chaussée chez Abu Ayyub, ensuite monter, etc. Donc il a décidé, alayhi salatu wassalam, d'habiter au rez-de-chaussée. Et Abu Ayyub al-Ansari n'a pas pu supporter. Pourquoi il n'a pas pu supporter? Que le prophète alayhi salam, il habite au rez-de-chaussée, lui, à l'étage. Pourquoi? Tout simplement. Ils ont dit par adab, politesse. Il a dit à Rasulallah, je ne supporte pas, on ne peut pas supporter que nous, on ait les pieds au-dessus de toi. Que nos pieds soient au-dessus de ta tête. Regardez l'adab. la politesse, regardez l'amour qu'ils avaient, le respect, l'ihtiram qu'ils avaient envers le messager d'Allah, alayhi salatu wa sallam, par principe. On est au-dessus de tout, on ne peut pas supporter. Et il a insisté, Abu Ayyub al-Ansari, radiyallahu anhu wa arda, pour que le messager d'Allah, alayhi salatu wa sallam, habite au-dessus. Et le prophète, il a refusé. À chaque fois, refus catégorique. Jusqu'à ce qu'il y ait un jour qui est venu, et c'est rapporté par l'imam Ahmed, avec une chaîne de transmission authentique, le messager d'Allah, alayhi salatu wa sallam, pendant qu'il était au rez-de-chaussée, il y avait la femme de Abu Ayyub al-Ansari qui avait fait tomber une jarre, ou une jarre était tombée, une jarre d'eau. D'accord ? Ina, un récipient d'eau, une jarre d'eau, qui était tombée. Et cette eau-là, ils étaient en train d'essayer d'estomper l'eau, jusqu'à ce que l'eau est tombée en dessous. Ils ont plus supporté. Je dis non, on peut plus supporter. Maintenant, regardez, on va commencer à porter atteinte au messager d'Allah, et alayhi salam, juste l'eau qui va commencer à, l'eau qui peut couler, dans l'endroit où le messager d'Allah est là. Donc ils sont descendus, ils ont dit à Rasulallah, on peut pas supporter. Et Rasulallah va à l'étage. À ce moment-là, comme dans le récit rapporté par Ahmed avec une chaîne de transmission authentique, le messager d'Allah a accepté. Il a dit donc, je vais habiter à l'étage. Et le messager d'Allah a habité à l'étage. D'accord? Et donc, pendant que le prophète était chez Abu Ayyub al-Ansari, la construction de la mosquée du prophète a débuté. D'accord. Faut savoir que le prophète alayhi salam a fait deux choses, qui sont des choses fondamentales. Des choses fondamentales à Médine, quand il est arrivé. Première des choses, il a fait ce qui est connu, la construction de la mosquée. D'accord? La mosquée de Médine. Je ne parle pas de Quba. Certains pensent que la première mosquée, Ba'd al-Bi'tha, après la prophétie, c'est Al-Masjid al-Nabawi. Ça, c'est une erreur. C'est Quba. On est d'accord. Après la prophétie. Mais la première des choses qu'il a fait, c'est la mosquée du prophète quand, c'est-à-dire la mosquée à Médine, quand il était à Médine. Première des choses. On va voir pourquoi. La deuxième des choses qui est fondamentale, c'est cette fraternisation qu'il a mis entre Al-Ansar ou Al-Muhajirun. Donc, c'est-à-dire Al-Ansar, ceux qui résidaient à Médine, d'accord, ceux qui ont accueilli les émigrés, et Al-Muhajirun, les émigrés. Il a mis cette fraternisation. D'accord? Tout le monde peut-être connaît ça, l'a déjà entendu. Mais on va revenir sur ce point et on va méditer. Et on va voir que le prophète, alayhi salatu wassalam, était technicien. Le prophète, alayhi salatu wassalam, c'était un chef de guerre. Le prophète, alayhi salatu wassalam, c'était quelqu'un qui avait beaucoup de techniques. C'était un chef de guerre et c'était quelqu'un qui était capable d'organiser, toute une société. Mettre en place, des règles pour, fonder une société solide et costaud. D'accord? Pour pouvoir affronter toutes les fitaines qui vont arriver. Et c'est ce qu'il a fait le prophète, alayhi salatu wassalam, à Médine. Il n'a pas fait n'importe quoi, il a commencé étape par étape. Du plus important au moins important, sachant que tout est important en islam. Mais il y a des priorités. D'accord? Donc, avant de commencer la construction du prophète, alayhi salam, rapidement, je vous avais dit qu'on allait faire la biographie physique et morale du prophète, alayhi salatu wassalam. Ça, je laisserai un cours complet pour le faire, inshallah ta'ala. Donc là, j'ai pris l'opportunité ici, parce qu'on a Médine, de parler des mérites. Citer quelques mérites de Médine. D'accord? Quelques mérites de cette ville qui est Médine. Parce que l'île Asaf, avec un grand regret, wallah, il y a beaucoup de frères qui partent à la Mecque. C'est un privilège. Ne serait-ce que pour l'Umrah. D'accord? Et ils partent à Médine et à Mecca, et ils n'ont pas étudié ou fait ne serait-ce qu'une petite étude. Une petite, vraiment chacun, par rapport à ses capacités, une petite étude. Concernant les mérites, l'histoire un peu de Médine et de Mecca. Comment tu veux te sentir vraiment bien dans cet endroit et vivre un peu avec l'histoire de l'islam si tu ne connais pas l'histoire de l'islam quand tu arrives à Mecca et à Médine. Amma, ça n'a rien à voir que quand tu connais les mérites de Médine. Qu'est-ce qu'a dit le prophète sur Médine? Qu'est-ce qu'ont vécu les compagnons à Médine? Qu'est-ce qu'a dit le prophète sur Mecca? Qu'est-ce qu'ont vécu les compagnons à Mecca? Qu'est-ce qu'a vécu le prophète? Quand tu es là-bas, tu vis avec eux. C'est pas pareil. Donc ici, c'est important de connaître certains mérites concernant Médine et Mecca. Ici, je m'arrête avec Médine. D'accord? Ça nous concerne. Aujourd'hui, ce qui nous concerne dans ce cours, c'est les mérites de Médine. Il faut savoir une chose. Que ça, c'est c'est une chose à savoir. Les actions, al-a'mal, les actions. D'accord? Vous suivez bien. Ils sont multipliés, les bonnes actions. Ils sont multipliés de façon quantitative et qualitative. D'accord? Quantitative et qualitative. Les bonnes actions. Je vais détailler. Et les mauvaises actions sont multipliées de façon qualitative et pas quantitative. D'accord? Ça, c'est une règle à connaître. Quand tu fais une bonne action, et on va donner les preuves, comme le dit parmi les contemporains, Cheikh Al-Uthaymin, Rahmatullahi Alayhi, Ibn Baz, etc. Mais, à la kulli hal, c'est une règle, يعني, chez la majorité des savants, et, هذا هو قول الراجح, vous allez voir les preuves, يعني, من كتاب الله سبحانه وتعالى, avec les preuves du Coran, vous allez voir quoi? Qu'est-ce que dit Allah subhanahu wa ta'ala concernant ce sujet? Quand tu fais une bonne action, Allah subhanahu wa ta'ala, il te la multiplie, d'accord? De façon, quelquefois, quantitative et qualitative aussi. C'est-à-dire, une bonne action, elle peut être multipliée. C'est vrai ou pas? Comme Allah dit dans le Coran, par 10 ou plus. D'accord? Elle peut être multipliée. C'est-à-dire, tu as 10 bonnes actions. Une action, elle devient 10 bonnes actions. C'est ça qu'on dit quantitative, la quantité. D'accord? Et qualitative, c'est-à-dire aussi, une bonne action, elle va avoir plus de valeur. Plus de valeur. C'est la même action. Elle n'est pas multipliée par 10. Mais cette bonne action, elle va avoir plus de valeur. Ça dépend de l'endroit où tu fais cette action et le moment où tu fais cette action. C'est clair? Par exemple, quand tu fais une bonne action à Médine, tu fais une bonne action à Mecca. Ça, c'est dans l'endroit, dans le temps. Tu fais une bonne action pendant le mois du Ramadan. D'accord? Tu fais une bonne action pendant certains mois sacrés. Ces actions-là, ils peuvent être multipliées. D'accord? Multipliées quantitativement et qualitativement. C'est-à-dire multipliées par une ou plus, 2, 3, 10, 20, 100, 700 fois. Quand tu donnes de l'aumône, Allah il les multiplie de façon quantitative. D'accord? Comme Allah il dit dans le Coran al-Karim. Et qualitative, c'est-à-dire une bonne action que tu fais pendant Ramadan, elle a plus de valeur, d'accord, elle a plus de valeur, c'est une bonne action, elle a plus de valeur que si tu la faisais en dehors du Ramadan. Ça c'est clair, comme il dit Cheikh Ibn Baz, Cheikh Al-Uthaymin, Al-Shaykhan, Al-Mu'assirin, yani, rahimahumullah, donc ils disent que, par exemple, quand tu fais une bonne action pendant le Ramadan, elle a plus de valeur que si tu la faisais en dehors du Ramadan. Quand tu fais une bonne action à Médine, et tu fais une bonne action à Mecca, elle a plus de valeur que si tu la faisais à Brest. Tu la faisais à Paris ou tu la faisais je sais pas où, dans n'importe quel autre endroit. D'accord? Donc elle a plus de valeur. Et on va voir les preuves. Mais quand tu... C'est-à-dire, vous avez compris, une action, elle peut être multipliée ou alors elle peut rester la même mais avoir plus de valeur. C'est clair? C'est clair ou pas? Une mauvaise action. Une mauvaise action, yani, elle est multipliée de façon qualitative, pas quantitative. C'est-à-dire que une mauvaise action... Quand tu fais une mauvaise action, est-ce qu'Allah Azza wa Jal il t'inscrit 10 mauvaises actions? Une seule. Donc vous voyez, la quantité, il n'y a pas. Rahmatullah. La miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hada min rahmatillahi azza wa jal. Ça fait partie de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala pour ses créatures. Donc on voit qu'une mauvaise action reste une mauvaise action. Donc on enlève le fait de la quantité. D'accord? Quantitative, il n'y a pas. Mais qualitative, oui. C'est-à-dire que quoi? Si tu fais une mauvaise action à Mecca ou à Médine, elle est plus grave que si tu la faisais ici, chez toi. D'accord? Donc là, on voit qu'il y a des bonnes actions de façon quantitative ou qualitative, Allah, il les multiplie. Mais les mauvaises actions, que yani, Allah, il la rend plus grave, mais il ne te la multiplie pas, la mauvaise action. Ça, c'est clair. Première des choses à savoir. Deuxième des choses, le prophète, alayhi salatu wassalam, je ne vous cite pas tous les hadiths, j'ai pris qu'un hadith, parce qu'il n'y a pas le temps, hein. Donc je vous cite simplement un hadith. Yani, as-sahih, où le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit... Asim a dit, j'ai interrogé Anas ibn Malik si l'envoyé d'Allah alayhi salatu wassalam avait rendu Médine sacrée. Donc Asim, il dit, j'ai interrogé Anas ibn Malik. Est-ce que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a rendu Médine sacrée? Médine sacrée. Attention, hein. Certains ils croient que quand on dit al-haram, donc c'est le sanctuaire sacré, c'est que, yani, où il y a la Kaaba, ou la mosquée. La mosquée où il y a la Kaaba. Ou alors Médine, c'est que l'endroit sacré, c'est que, yani, l'endroit où il y a la mosquée du prophète alayhi salam. Al-Haram, c'est un territoire. C'est un territoire. D'accord? Donc, quand on parle de Al-Haram, c'est Médine, entre deux grandes montagnes. Il y a l'espace, comme le prophète a dit, entre deux grandes montagnes. L'espace de Médine, entre ces deux grandes montagnes, tout ce territoire est sacré. Et Mecca, tout le territoire est sacré. C'est pour ça que certains savants ont divergé. Certains ont dit que le fait d'avoir les récompenses des 100 000 prières, par exemple, Mecca et Hot, ce n'est pas simplement que dans le lieu où tu fais la prière. À côté de la Kaaba. Mais même si tu es à 200 mètres, à 300 mètres, à 500 mètres, tant que tu es dans le territoire sacré, tu fais même à l'hôtel, tu as la récompense de 100 000 prières. Ça ne veut pas dire que tu restes dormir, d'accord, et que tu dis, bon, moi j'ai 100 000. Non, Yani, c'est sûr que tu auras toujours plus de récompenses de marcher vers la mosquée. Ce n'est pas n'importe quelle mosquée. Yani, c'est Baytullah al-Haram, etc. Lakin, certains savants, ils ont dit, parce que tu es dans le territoire sacré. D'accord? Tu es dans al-Haram. Haram, c'est pas que simplement il y a la Kaaba. Ça, c'est clair. Donc, Anas ibn Malik a dit, est-ce que l'envoyé, ou plutôt il a interrogé Asim, radiallahu anhu, est-ce que, à Anas ibn Malik, est-ce que le prophète a rendu Médine sacrée? Et il a répondu, oui, de tel endroit à tel endroit. Donc, un endroit entre deux grandes montagnes à Médine. D'accord? Quiconque, écoutez ce qu'il dit, quiconque y commet un péché ou une turpitude, quelque chose de mal, ajoutant que cela est grave, il répéta, quiconque y commet un péché ou une turpitude, encourra la malédiction d'Allah, des anges et de tous les hommes. Al-la'na min Allah wa min al-mala'ika wa min nasi ajma'in. Donc il dit ici que celui qui fait une turpitude ou accomplit ou fait une mauvaise action, d'accord, un acte répréhensible, il encourt la malédiction d'Allah, des anges et de l'ensemble des gens, et au jour de la résurrection, Allah n'acceptera de lui ni repentir ni rachat. Bisanadin sahih. Regardez, ça c'est concernant le fait que tu fasses un péché à Médine. Donc c'est bien beau d'aller à Médine, c'est bien beau d'aller à Mecca, mais il faut se préparer. Donc il y a le juste milieu. Le musulman, retenez ça, il a le juste milieu dans tous les sujets concernant la religion et dans tous les sujets concernant même hors religion. Et c'est ainsi on a fait de vous une communauté de juste milieu. Et il y a le premier excès qui disent, il y a des gens qui disent, moi je ne fais pas le hajj, pourquoi? Alors il a 30 ans et on parlera de ça dans un prêche bientôt, incha'Allah ta'ala. Al-hukm, le jugement de celui qui délaisse le pèlerinage alors qu'il a les moyens physiques et financiers, bien sûr. Ça, on n'en parle pas celui qui n'a pas les moyens financiers ou physiques. Donc quelqu'un, il va te dire, il faut que je me prépare, je ne suis pas encore assez bien, je ne suis pas encore assez pieux, je ne suis pas... Il faut savoir que le pèlerinage est akhil karim. C'est comme la prière, c'est comme az-zakat, c'est comme ash-shahadatayn, le fait de faire les deux attestations de foi. C'est comme as-siyam, c'est obligatoire. Quand tu as les capacités physiques ou financières, est-ce que toi tu vas dire, je donne pas zakat parce que je suis pas encore assez pieux? Est-ce que toi tu vas dire, je fais pas siyam cette année parce que je sens que je suis pas assez pieux? N'importe qui fait siyam, même les pires des pires parmi les musulmans, alhamdoulilah, ils font siyam. Ça vraiment, un petit groupe, c'est rare. Mais même quand on voit des jeunes qui sont vraiment égarés, alhamdoulilah, ça prouve qu'il y a un peu de bien en eux, en tout cas, c'est alhamdoulilah. Donc il faut quand même siyam. Pourquoi le pèlerinage? Quelle différence? C'est pas un pilier de l'islam? Est-ce que toi t'as un dalil? Tu as un argument pour dire que toi, il y a une exception faite pour le pèlerinage, faut être pieux. Dis-moi un hadith. Comme quoi le prophète a dit, ne faites pas le pèlerinage que si vous êtes pieux. Ça n'existe pas, ça. Le pèlerinage, t'as l'argent, t'as la santé, tu dois le faire. Et la moindre des choses qu'on puisse dire, si tu meurs, tu es infime. Tu es pécheur, c'est la moindre des choses. On verra dans les détails dans un sermon du vendredi, inshallah ta'ala. Donc ça, tu dois le faire, Yahil Kalim. Tu n'as pas le choix. Si tu as l'argent, tu dois le faire. Ça, c'est impératif. Donc on voit que, il y a le premier excès qui dit, yani, de groupes de gens qui disent, moi, je suis pas assez pieux. D'accord? Et il y a deuxième excès qui, yani, où on va dire des gens, ou un autre groupe de gens, qui, bien sûr, ils disent, bon, je sais que je fais des péchés, etc. Mais ils se précipitent à aller au pèlerinage aussi, sans connaître rien, ni des rites du pèlerinage, ni des mérites de Médine, ni de la gravité de commettre un péché à Médine, ni de la gravité de commettre un péché à Mecca, ni des conditions pour que ton pèlerinage soit accepté, et il va le hajj comme ça. Alors que miskin, dès qu'il arrive à Médine, juste avec son comportement, hadith wala haraj. Allahu a'lam, peut-être s'il n'a pas déjà encouru la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors que miskin, lui, il va pour y aller vraiment faire un pèlerinage, revenir pur, aussi pur qu'un enfant qui vient de naître. Il commence déjà à désobéir à Allah, insulter, pas patienter, crier quand il arrive au car, quand il descend du car, il crie, il insulte, et il ne sait pas qu'il est dans quoi, dans un territoire sacré, où si tu fais une chose mal, un péché, tu as la malédiction d'Allah, des anges et de l'ensemble des gens. Donc ici, il y a deux excès qui sont, yani, pas acceptables en islam, mais un juste milieu. Tu as les moyens, tu vas, mais il te faut et il te doit de connaître certains mérites de Médine et yani, pour acquérir un bon comportement quand tu arrives là-bas et pas tout gâcher. Pas tout gâcher. Alors je vous en passe et j'en passe de ceux qui sont pendant le manasik et qui sont, ils partent de Mecca, etc. Pendant le manasik, qu'ils insultent et qu'ils se battent, et on les a vus, pendant plusieurs années, on les a vus. Ah, ils se battent pour avoir de la nourriture, et ils insultent, et je ne sais quoi. Mais c'est quoi ce hajj-là? Nous, on n'est pas là pour dire, toi, tu n'as pas ton hajj, toi, tu as ton hajj. Là, qui nous, on sait le hukm, le jugement, am, général. D'accord? Le prophète, alayhi sallam, il dit quoi? Celui qui fait un pèlerinage. D'accord? Et il dit les conditions. Et il dit quoi? Et qui quoi? C'est quoi les conditions? C'est que quoi, tu n'as pas de rapport avec ton épouse, que tu n'insultes pas, que tu ne dises pas d'insultes, de gros mots, que tu n'aies pas un comportement détestable en islam, tu as des conditions, ce n'est pas simplement tu vas au pèlerinage, tu commences à insulter tout le monde, il a accepté. À ce moment-là, ton pèlerinage, il a accepté, tu reviens aussi pur qu'un enfant vient de naître. Mais ce n'est pas parce que tu vas au pèlerinage qu'automatiquement tu reviens et que tu es, ça y est, ton pèlerinage est accepté. Abadan. Donc ici, il faut un juste milieu. Apprends à te retenir, à te contrôler là-bas, connais les mérites, les récompenses, la gravité du péché. D'accord? Beaucoup de gens ne connaissent pas, même pas ces hadiths. Il y a plusieurs hadiths, hein. Je vous cite simplement un. Ils sont rapportés par muslims. Il y a plusieurs hadiths. Mais je vous cite simplement un pour montrer la gravité de commettre un péché dans Al-Haramayn. Que ce soit à Mecca ou Al-Madina. Tu n'as même pas le droit de chasser le gibier. Tu n'as même pas le droit de couper des arbres, des branches à Médine. D'accord? Il y a le jugement général. Tu trouves quelque chose par terre, tu n'as pas le droit de le ramasser. Là, ça rentre dans la jurisprudence, il y a des cas spécifiques, on verra ça dans la jurisprudence. Tu n'as pas le droit d'insulter, de commettre des péchés, d'avoir l'intention de faire du mal là-bas, wal'iyadu billah. Tu n'as pas le droit, sinon ça c'est multiplié. La gravité du péché est multipliée, donc il faut faire attention à ça. Et parmi les preuves, dans Surat Al-An'am, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Man ja'a bil hasanat » Man ja'a bil hasanati falahu 10 amthaliha. D'accord? Allah Azza wa Jalla dit celui qui vient avec une bonne action, Allah subhanahu wa ta'ala, il en aura 10 fois autant. D'accord? Wa man ja'a bis sayyi'ah fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Et celui qui vient avec une mauvaise action, il sera rétribué que par son équivalent et on ne lui fera aucune injustice. D'accord? Dans sourate Al-An'am, ça c'est parmi les preuves, il y a beaucoup de preuves, on n'a pas le temps, il y a le hadith que vous connaissez, concernant celui qui fait une mauvaise action, Allah Azza wa Jalla le compte simplement une mauvaise action. Et concernant les trois édifices sacrés, il y a trois édifices sacrés. Il y a à la Mecque, donc où il y a la Kaaba, d'accord. Il y a l'endroit sacré qui est à Médine, d'accord. Médine, c'est un endroit sacré aussi. Et il y a aussi Masjid Al-Aqsa, d'accord, à Jérusalem, c'est connu. Donc on voit, ça c'est trois endroits sacrés. Et le messager d'Allah, alayhi sallam, il dit dans Sahihain, rapporté par le Bukhari et au Muslim, il n'y a pas de voyage rituel, d'accord, à faire sonner pour trois mosquées. La Sainte Mosquée, donc à Mecca, ma mosquée, Masjid al-Nabawi et Masjid al-Aqsa, d'accord. Et c'est ces trois lieux pour lesquels le voyage rituel est permis. Il ne convient pas non plus, de dire que seule la mosquée du prophète est sacrée. On n'a pas le droit de dire qu'il n'y a que la mosquée du prophète qui est sacrée, d'accord. Mais la sacralisation embrasse plutôt toute la ville. Et ses limites, d'accord. Et dans un autre hadith, le prophète alayhi sallam a dit, Médine est sacrée entre les montagnes de Aïr et de Thawr. Aïr et Thawr, c'est deux grandes montagnes, pour montrer que ça c'est la limite de l'endroit sacré à Médine. Le messager d'Allah alayhi sallatou wassalam, il nous montre encore les mérites, ici principalement de Médine. Dans Sahihain, rapporté par le Bukhari Muslim, il dit, la foi se réfugie à Médine comme le serpent se réfugie dans son trou. D'accord. La foi se réfugie à Médine, al-Iman, à Médine, comme le serpent se réfugie dans son trou. On sait qu'il n'y a que deux endroits sur la surface de la planète où Al-Masih al-Dajjal, l'Antéchrist, ne pourra pas aller. C'est quoi ces deux endroits-là? Interdiction qui rentre. C'est Al-Haramayn, c'est Al-Mekka, à Mekka et à Al-Madina, donc à Médine. C'est les deux endroits où Al-Masih al-Dajjal, ça c'est connu, il ne pourra pas rentrer. Donc on voit que c'est des lieux sacrés et préservés, d'accord, protégés par Allah subhanahu wa ta'ala. Dans un autre hadith rapporté par Muslim, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a invoqué même al-baraka, la bénédiction, ici en la faveur ou en sa faveur, c'est-à-dire en la faveur de Médine. Et il dit dans Sahih Muslim, Ya Allah, oh Allah, bénis nos récoltes, bénis notre Médine, notre ville Médine, bénis notre Sa' et bénis notre Moud, unité de mesure. D'accord? On sait qu'un Sa' c'est combien de Moud? 4 moud, c'est des unités de mesure. Quand tu prends comme ça, par exemple, du blé avec tes deux mains, d'accord, ça c'est un moud. 4 moud, ça donne un sa'. Donc, les quantités de mesure, le prophète, il a invoqué Allah pour qu'il bénisse ces quantités de mesure et qu'il bénisse la ville de Médine. Donc, elle a reçu l'invocation ici du prophète, alayhi salatu wassalam. La bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala est sur Médine. Allah azza wa jalla a béni cette ville qui est Médine. Dans un hadith rapporté par le Bukhari Muslim, comme je vous ai cité tout à l'heure, la peste et l'antéchrist n'atteignent pas ces murs conformément au hadith. Des anges se tiennent à chaque entrée de Médine. La peste et l'antéchrist ne peuvent y entrer. La peste, cette maladie, la peste, ainsi que Al-Masih al-Dajjal ne peuvent pas entrer. Et à l'entrée de Médine, il y a des anges qui se tiennent à chaque entrée. Chaque entrée, il y a des anges. Al-Malaïka qui se tiennent à chaque entrée de Médine. On ne les voit pas, mais ils sont là. D'accord ? car on croit à tout ce que le prophète alayhi salatu wasallam nous a révélé concernant al-ghaib, لأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى, car il ne parle pas poussé par ses passions, mais il ne parle que par révélation, d'accord. Et le prophète alayhi salatu wasallam dit encore sur Médine, sur cette ville là ça simplement pour nous donner un peu envie d'aller dans cette ville et avoir et prendre conscience de la valeur qu'a Médine, d'accord. Le messager d'Allah alayhi salatu wasallam a dit dans le Sahihain rapporté par le Bukhari et Muslim, Allah fait fondre comme le sel fond dans l'eau, Allah fait fondre comme le sel fond dans l'eau quiconque veut faire du mal aux habitants de Médine, d'accord. Donc il repousse, il dégage les personnes mauvaises et qui veulent faire du mal aux habitants de Médine, Allah subhanahu wa ta'ala. On voit encore que cette ville elle est préservée. Dans Sahihain encore, le prophète Hassan dit dans Sahih Bukhari Muslim, il dit quoi? Oh Allah, fais-nous aimer Médine comme nous aimons la Mecque ou plus encore. Ya Allah, fais-nous aimer Médine comme nous aimons la Mecque ou plus encore, ou plus encore. Et déplace sa fièvre à Al-Juhfa. C'est un endroit, Al-Juhfa, où étaient les associateurs. Certains mécréants, ils étaient là-bas. Le prophète, il a dit, déplace la fièvre à Al-Juhfa. Pourquoi? Et à quel moment il a dit cette invocation, le prophète, alayhi salam? Al-Siyar, ils disent que c'était au moment où Abu Bakr et Omar et Bilal, afwan. Abu Bakr et Bilal, et parmi eux, il y avait d'autres compagnons, mais surtout Abu Bakr et Bilal ont été touchés par une forte fièvre à Médine. Certains disent au changement de température, de climat, etc. Donc, quand ils sont arrivés à Médine, ce changement de climat, pour certains disent c'est le changement de climat, ils ont été touchés par une fièvre très forte. Et à ce moment-là, le messager d'Allah a fait une invocation et il dit à Allah, fais repousser la fièvre vers Juhfa. Et cette fièvre a été repoussée. Donc, regardez encore le bien qu'il y a à Médine. Rapporté par Al-Imam Ahmed et Tirmidhi et d'autres avec une chaîne de transmission authentique. Regardez ce que le prophète dit. Man istata'a minkum an yamuta bil Madina falyamut. Celui qui a les capacités de mourir à Al-Madina, qu'il meure à Al-Madina. Bi sanadin sahih. Écoutez ce qu'il dit le prophète sallam, fa inni akunu lahu shafi'an yawm al-qiyamah. Je serai pour lui ou yani intercesseur. J'intercéderai en faveur de celui qui meurt à Al-Madina. Celui qui peut mourir à Al-Madina, qu'il meure à Al-Madina. Et ça suffit de savoir ou de voir la noblesse de cette ville. Yani, simplement, ça nous suffit de savoir que le prophète Mohammed alayhi salatu wasalam est mort à Al-Madina. La meilleure des créatures est mort à Al-Madina. Donc ça nous suffit pour voir la noblesse. Yani, et l'honneur qu'a cette ville-là. Et l'importance qu'a cette ville-là auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla a fait mourir la meilleure créature sur la surface de la terre à Al-Madina. Et voilà pourquoi le prophète dit, celui est parmi les raisons qui peut mourir à Médine, qu'il meure à Médine. Et le prophète alayhi salam dit encore, sur le Médine, rapporté par le Bukhari Muslim, il dit, celui qui mange tous les matins 7 dattes d'Al-Ajwa. Al-Ajwa, c'est des dattes de Médine. Celui qui mange tous les matins 7 dattes de l'Ajwa, d'accord, il sera immunisé contre le poison et la sorcellerie pendant cette journée-là. D'accord. Vous savez que celui qui mange 7 dattes, certains disent à jeun, le matin, de l'ajwa, toute la journée il est protégé contre sihr et contre assam, le poison. D'accord. Pendant toute la journée là. Ces dattes, ils viennent d'où? De Médine encore. On voit le baraka qu'il y a à Médine. Encore le prophète alayhi salatu wasalam, il dit, et regardez cette récompense, il dit, une prière dans ma mosquée, dans la mosquée de qui? Du prophète alayhi salatu wasalam. Une prière. Ahlul ilm, yani, ils ont divergé. Yani, qawl al-jumhur, la majorité des savants disent que c'est considérant. Ils considèrent l'obligatoire et la surérogatoire. D'accord? La prière obligatoire et surérogatoire. Écoutez bien. Une prière dans ma mosquée vaut mieux que 1000 prières dans n'importe quelle autre mosquée. Al-fusala. Une prière. Tu fais 2 rak'at, t'as la récompense de 1000 prières. 1000 prières. C'est mieux, mais c'est pas 1000. Le prophète a dit, c'est mieux que 1000 prières dans une autre mosquée. Alors, compte combien de prières il te faut. Yani, ici, ou combien de temps il faut pour faire 1000 prières. Et ici, en quoi? 2 minutes. Tu fais 2 rak'at, t'as la récompense de 1000 prières. Dans la mosquée du prophète, alayhi salatu wasalam, en dehors de la mosquée sacrée. Et on sait qu'à la Mecque, une prière, elle vaut combien de prières? 100 000 prières. Tu fais 2 rak'at dans le haram, tu as, donc je parle à Mecca, hein, tu as la récompense de 100 000 prières. 100 prières. À Médine, 1000 prières dans le haram, c'est-à-dire à Mecca. Je parle de l'endroit sacré de Mecca. 100 000 prières et à Al-Aqsa, c'est combien? C'est combien? Masha'Allah. Allah est belle. Il y a des authentiques. Et Al-Aqsa vaut 250 prières selon un hadith authentique et non 500 comme l'assument certains annales, car ça provient d'un hadith faible. 250. Ça c'est le hadith al-Sahih, il dit 250 prières. D'accord? 250 prières, parce qu'il y a d'autres hadiths, je ne veux pas vous citer toutes les preuves, etc. Lakin, il y en a d'autres aqwals. Lakin, les paroles qui sont répandues, c'est 500 ou 250. 500, c'est un hadith faible. D'accord? Parmi eux, l'ont mentionné Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, et d'autres, c'est 250 prières à Al-Aqsa. D'accord? Tu as la récompense de 250 prières à Mes Al-Aqsa. D'accord? Parmi les bienfaits encore, il y a dans As-Sahihain, rapporté par le Bukhari Muslim, le prophète alayhi salam, il dit quoi? Entre ma maison et mon mimbar, d'accord? Entre ma maison et mon mimbar, il y a un jardin parmi les jardins du paradis. D'accord? Entre ma maison et mon mimbar. Vous voyez le mimbar du prophète alayhi salam, enfin l'endroit où il était le mimbar, c'est pas ce mimbar là. Mais l'endroit où il est le mimbar, quand vous voyez à la télé par exemple, vous voyez une sorte de grand mimbar là, hein? D'accord? Donc cet endroit là, quand vous voyez dans ce qu'on appelle la rawda, donc le jardin, rawda. Donc il y a, pour ceux qui ont été, vous voyez, ils ont mis des tapis d'une autre couleur. C'est pas les tapis qui sont transformés, hein. C'est eux, ils ont mis des tapis blancs. Donc c'est des tapis d'une autre couleur, blanc. Tous les tapis en général, ils sont rouges. Et c'est un endroit, bon, c'est un périmètre, hein. Je sais pas combien il fait de mètres carrés, bon, je sais pas, hein, approximativement, ceux qui ont été, combien? Combien à peu près, je sais pas, hein, il doit faire 40 mètres carrés à peu près, un peu plus je pense, hein. Ça fait combien là? Oh, un peu plus quand même. Oh non, il doit faire la salle là, je pense. 100 mètres carrés, je pense. Bon, on va dire, allez, 50-100 mètres carrés. C'est un petit périmètre. C'est entre le mimbar du prophète et la maison. C'est pas ma tombe. Attention, le prophète n'a pas dit entre ma tombe et ma maison. Mais on sait, le prophète, il a été enterré dans sa maison. D'accord? Donc, on voit ici, vous allez voir, c'est collé, hein. Donc, vous passez là. Hop, là, c'est le passage ici pour sortir. Ici, il y a la tombe du prophète, Abou Bakr, Omar. Et ici, entre cet endroit-là et le mimbar, c'est un périmètre. Et ici, il y a un jardin parmi les jardins du paradis. D'accord? Donc, celui qui veut aller pour faire deux unités de prière, il va pour faire un peu de dhikr, etc. Il n'y a pas de mal. Mais lakin, c'est quoi qui prime? Le fait d'être dans le premier saf ou alors dans al-rawda? Les ulama, ils ont dit c'est dans le premier saf. Il y en a beaucoup de gens font des erreurs, ils vont dans al-rawda, ils restent dans... Pendant la prière obligatoire, le meilleur des rangs, le prophète, il a dit quoi? C'est le premier saf, c'est le premier rang. Le meilleur des rangs, c'est le premier rang. Ça veut dire qu'il n'y a pas de preuve pour dire que le meilleur rang, c'est al-rawda. Non, ou des gens, ils restent pendant 5 heures. Ça, c'est ahlul fitan. C'est les gens qui font des fitan, ceux qui restent là dans le Rawda pendant des heures. Et Akhil Karim, tu sais qu'il y a des millions de personnes qui viennent ici. Si tu veux faire de rak'at, et tu vas dans cet endroit-là, et tu fais un peu de dhikr, tu vois qu'il y a de la place, sinon fais de rak'at pas. Un mal pour rester pendant des heures alors que tu sais qu'il n'y a pas un moment dans l'année où c'est vide. Tu vas faire plus de mal et de fitan qu'autre chose. Parce que les gens, ils peuvent même pas prêter de rak'at, ils se poussent, ils se disputent, subhanallah, c'est grave. Donc, à la kulli hal, ceux qui veulent y aller, donc ils vont, ils prient rapidement et ils partent. S'ils n'ont pas les capacités, il n'y a pas de mal. D'accord? Et c'est pas, on y va pour dire, moi j'ai été à Rawda. Moi j'ai touché la pierre noire. Moi j'ai touché, la porte. On verra les mérites ça quand on parlera de l'hajj, inshallah ta'ala. La porte, vous savez que c'est sunna aussi de toucher la porte. Le reste de la Kaaba se mettre comme ils font certains comme ça, 10 heures, c'est n'importe quoi ça. D'accord? Il y a des endroits bien spécifiques. D'accord? Et il y a des gens, ils viennent, oh, moi j'ai touché la pierre noire, moi j'ai fait, subhanallah, pourquoi tu le répètes aux gens? Pourquoi les gens ont besoin de le savoir? T'as été à Rawda, c'est pour toi, Akhil Karim. Si t'as touché la pierre noire, c'est pour toi. Si t'as touché, la porte, c'est pour toi. C'est pas, pour que tu reviennes et tu dis, moi j'ai fait, et moi j'ai été. Donc faites attention ici, par rapport à Ar-Riya, c'est une recommandation que je fais à moi aussi. Et ici, pour montrer encore les mérites de Médine, il y a beaucoup de choses à dire, mais je citais certains hadiths. Entre guillemets, pour vous donner l'eau à la bouche un peu, hein, comme on dit. Le hadith rapporté par Ahmad ibn Majah, authentifié par Cheikh Al-Albani, cité dans Sahih At-Targhib wa At-Tarhib. Ici, le messager d'Allah, alayhi wa sallam, a dit, quiconque entre dans notre mosquée, dans la mosquée du prophète, attention, c'est pas dans cette mosquée, ou dans n'importe quelle mosquée, la mosquée du prophète. Quiconque entre dans notre mosquée, la mosquée du prophète, alayhi wa sallam, pour apprendre ou enseigner une bonne chose. Pour apprendre ou enseigner. Chauffe, deux choses. Comme le prophète l'a dit dans un hadith authentifié par Cheikh Al-Albani, quelqu'un qui sort de chez lui pour venir à la mosquée pour apprendre ou enseigner. Toi, tu viens pour apprendre. Toi, tu viens pour apprendre aussi. Tu as la récompense d'un quoi? Un hajj. C'est pas donné à tout le monde. Et ça, c'est des... Plus la récompense est grande, et plus il faut savoir que tu ne verras pas beaucoup de monde. Parce que c'est pas donné à tout le monde. Plus la chose est rare et apporte une grande récompense, les gens, il n'y aura pas foule. Mais quand la récompense est minime et il n'y a rien à gagner... Concernant les choses qui vont te faire rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu verras la foule. Il suffit de voir un match de foot, rempli à craquer. Des millions de personnes derrière leur poste télé, partout. Mais tu lui dis, il y a un hajj à gagner, Masha'Allah, alhamdulillah, la baraka, c'est khair. Lakin, il n'y a pas foule. Donc, on voit ici, yani, que plus la récompense est grande, et plus en général, tu vas voir peu de personnes qui s'investissent. Mais ça, ça concerne n'importe quelle mosquée. Mais la mosquée du prophète, celui qui va dans la mosquée du prophète pour enseigner ou pour apprendre une chose, le messager d'Allah, il a dit, il est comparable à Al-Mujahid, au guerrier sur le sentier d'Allah. Al-Mujahid, fi sabilillahi azza wa jal. Quant à celui qui entre pour autre chose, il est comparable à celui qui convoite du regard ce qui ne lui appartient pas. Subhanallah. C'est comme celui qui regarde quelque chose qui ne t'appartient pas. Si tu vas pour autre chose que ça. D'accord? Certains savants ont dit que yani, c'est pour aucun intérêt. Yani, tu vas simplement pour, par exemple, quelqu'un qui va pour regarder, visiter, perdre son temps. D'accord? Donc, ça, c'est parmi les quelques mérites de Médine. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, donc, il a été chez Abu Ayyub al-Ansari, radiyallahu anhu wa arda, et il est resté pendant que la mosquée du prophète, alayhi salatu wassalam, se construise. D'accord? Pendant ce moment-là, il est resté dans, chez Abu Ayyub al-Ansari. À ce moment-là, on sait toujours que Al-Madina, ou plutôt à Mecca, Afwan, il y avait toujours Aïcha, radiyallahu anha wa ardaha. D'accord? Aïcha, elle est toujours à Mecca. Saouda, parmi les épouses du prophète, al-Sam, aussi, qui vont être parmi les épouses du prophète, al-Sam, elle est toujours à Mecca. Il y a beaucoup de compagnons qui sont restés encore à Mecca. Et parmi eux, les épouses du prophète, il y a Aïcha aussi, elle est toujours à Mecca. Donc, la construction de la mosquée a débuté. C'est la première chose qui fait partie des fondements que de la société musulmane que le prophète alayhi sallam a fait. D'accord? C'est la construction de la mosquée. Et le terrain où s'est arrêtée la chamelle du prophète alayhi sallam, elle appartenait à deux orphelins. Elle appartenait à deux orphelins et le messager d'Allah alayhi sallam a voulu leur acheter. Deux orphelins, des jeunes orphelins. Des jeunes, jeunes orphelins. Ils ont dit, ya Rasulallah, tu la prends. Tu la prends gratuit le terrain. En fait, il a dit, je la prends pas gratuit, je la paye. Ils ont insisté, tu le prends. Il a dit, je paye le terrain. Je paye le terrain. Ça, c'est le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, qui a été à Médine, qui est venu avec la révélation. Qui lui ont dit, tu le prends le terrain, ils ont insisté et il sait qu'il y a la récompense. Mais le prophète a insisté pour la payer. Regardez, pour la payer. Nous, maintenant, on voit des musulmans qui, quoi, dépendent de n'importe quelle institution. Et ils cherchent n'importe quelle aide pour construire des mosquées sans se préoccuper de savoir est-ce que si je prends cette aide-là, cette mosquée va toujours nous appartenir ou non. Comme certains le font. Vous connaissez ce qui est répandu surtout dans les pays d'Europe, c'est-à-dire ils font des contrats, d'accord? Et tu payes pendant... ils te donnent par exemple le terrain à 1 euro. C'est ce qui est répandu dans beaucoup de mosquées, hein, avec plus grand des regrets en Europe. Et beaucoup de mosquées, c'est ça, vous voyez, des grandes mosquées, masha'Allah. Mais elles n'appartiennent pas aux musulmans. Vous savez qu'est-ce qu'il dit, Cheikh Al-Uthaymeen, rahmatullahi alayhi, d'autres savants? Ils disent, tout endroit qui n'appartient pas aux musulmans, soit l'endroit tu le loues, ou bien c'est un prêt qu'on te fait, mais il n'appartient pas aux musulmans, ça ne s'appelle pas une mosquée. Ça ne s'appelle pas une mosquée. C'est un lieu de prière. Il dit parce que tu ne peux pas appeler une chose qui n'appartient pas à la communauté musulmane Baytullah, la maison d'Allah. Il dit, et c'est logique, ça n'appartient pas aux musulmans. Tu ne l'appelles pas ça une mosquée, tu l'appelles un lieu de prière. Tout endroit qui est loué ou bien est donné de façon temporaire, ça ne s'appelle pas une mosquée. Mosquée, d'accord? Les mosquées sont à Allah, sont à Allah, d'accord? Donc tu ne peux pas appeler ça une mosquée. Donc des gens qui viennent et qui disent, donc lui on vous donne un euro. C'est quoi ça, un euro? On ne fait pas la manche déjà. Ça, c'est une mosquée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mets une bonne attention, fais les causes comme il faut, t'inquiète pas. La mosquée bi'idnillah, elle va être construite. Ne t'inquiète pas. Il faut faire les causes, il ne faut pas rester dormir comme certains disent. T'inquiète pas, khoya, les mosquées, ça va avancer. Mais donne de l'argent. Al-akhdu bil-asbab. Le fait de rendre les causes, ça, c'est obligatoire pour compléter at-tawakkul. Mais t'inquiète pas, ça. Mon frère, on a besoin d'argent. Mais non, t'inquiète pas, ça, c'est bi'idnillah. Ah, donne de l'argent, là, t'inquiète pas. T'inquiète pas. Nous, on reste dormir, t'inquiète pas. Il faut faire les causes. Il faut donner de l'argent, ça, c'est obligé. Mais elle va se construire, elle va se construire. Bi'idnillah tabaraka wa ta'ala. Surtout si la base, elle est quoi? La crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme on va le voir. Et le verset coranique concernant le fait qu'une mosquée qui a été bâtie sur la crainte d'Allah azza wa jal, a plus de mérite que le fait d'une mosquée qui n'a pas été construite sur la crainte d'Allah Azza wa Jalla. Il y a un verset où Allah subhanahu wa ta'ala il parle de cette situation-là dans le Coran. On va en parler, inshallah ta'ala. Vous allez voir concernant cette mosquée, comme on nous dit, les savants, la mosquée du prophète alayhi sallam. Que ce verset a été révélé par rapport à la mosquée du prophète alayhi sallatu wassalam. Mais le fait de dire, oui, on vous donne un euro, allez à vous le terrain, Et vous faites ce que vous voulez, mais dans 99 ans, c'est ça qu'ils mettent, 99 ans, ou en général 100 ans, 99 ou 100 ans, allez, le terrain est à nous. Ça veut dire on vous laisse dedans, mais on fait ce qu'on veut. Ça c'est quoi ça? Ça c'est une catastrophe ça. Et plein de mosquées, où on a visité même en France, des immenses mosquées, quand tu poses et tu parles avec les responsables, tu dis c'est ça qui a été fait. Et les gens sont contents, ah bah regarde ce qu'on a fait, mais tu n'as rien fait, Akhil Karim, parce que ça t'appartient pas. Toi tu penses quoi? Tu vois pas plus loin que le bout de ton nez. Tu fais une mosquée pour qui? Pour toi? Ou alors pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala? Pour plaire à Allah azza wa jal? Pourquoi? Pour les futures générations. Dans 100 ans. Dans 100 ans, tes petits-enfants vont arriver, ils auront plus de lieu, ils vont faire ce qu'ils veulent, et peut-être. Peut-être qu'ils vont prendre cet endroit et en faire un bar. C'est possible. Ils font ce qu'ils veulent. À 100 ans, et c'est plein de mosquées qui sont comme ça. Abadan. Ça, c'est le prophète. Qui il lui a été donné la terre par des orphelins, il a dit, je la paye. Tu prends son prix. Pour nous donner une leçon. Regardez, 14 siècles après, c'est une leçon à nous. Nous, c'est même pas un don qu'on nous donne, mais on nous fait un prêt et on est content. Ou on paye un loyer, on est content. Abadan. Le musulman, alhamdoulilah, il dépend de quoi? Alhamdoulilah, il dépend pas des gens et encore moins des non-musulmans. Si les non-musulmans étaient, tant mieux. On va pas dire, ouais, tant mieux. Lakin, nous, on veut avoir une mosquée qui appartient aux musulmans. C'est ça qui est important. Et c'est pour ça que beaucoup de gens, yani, se précipitent quant à la construction des mosquées et ils font priorité à l'éloge des gens, que à la satisfaction d'Allah. Que pour dire, bon, nous, regarde ce qu'on a fait. Mais tu n'as rien fait concrètement. Dans 99 ans, plus à toi. Donc, tu n'as rien fait. D'accord? Satisfais Allah subhanahu wa ta'ala, fais quelque chose de concret. Et ceci est préférable. Donc, on voit que le prophète a payé le prix de cette terre. Et il y avait en dessous de cette terre, sur cette terre plutôt, il y avait des palmiers. Et en dessous de la terre, il y avait des morts qui faisaient partie des associateurs. D'accord? Comme le rapport, par exemple, Sahibu Rahiq al-Makhtoum. Donc, il y a beaucoup de livres de Ahlul Siyar. Yani, qu'il rapporte qu'en dessous de cet endroit-là, il y avait des morts enterrés. Et là, le messager d'Allah, alayhi salatu wasalam, a fait déterrer les morts, car on ne construit pas les mosquées sur un cimetière. D'accord? Et on ne prie pas dans une mosquée où il y a une tombe. Vous connaissez les endroits Moulay, je ne sais quoi, et Moulay, je ne sais quoi, et Moulay, je ne sais quoi encore. Qawlun rajih min ahli al-'ilm kama qala. يعني الشيخان من المعصرين للشيخ ابن العثيمين رحمة الله عنه بس يدست تنا بادروا دبرية تنا مم بادروا دبرية في هذا المكان وين توم قول الراجح من أهل العلم que la tombe soit avant ou après la mosquée car il y a un khilaf est-ce que la tombe elle a été construite après ou avant قول الراجح من أهل العلم c'est que elle a été construite après ou avant dedans où le mort a été enterré avant tu pries pas dedans car le prophète a mentionné que ceux qui prient يعني en direction des tombes ou pour une tombe, ou dans un endroit où il y a des tombes, ils sont maudits. Al-la'na fi sahih. Ils sont maudits. Ils attirent la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tu n'as pas le droit de prier dans ces endroits, al-a'adhu billah. Et là, on voit la leçon prophétique du messager d'Allah, alayhi sallam, qui a déterré les morts, d'accord, de cette terre qui a été achetée après de ces deux orphelins jeunes. Même les jeunes participaient, yani, à l'avancée de la communauté. Et le prophète, alayhi sallatu wasalam, à ce moment-là, quand la terre était prête, regardez, étape par étape, ça y est, l'endroit est prêt pour pouvoir construire la première mosquée à Médine, bien sûr. La première mosquée après la prophétie, c'est quoi? Quba. À Médine, il a commencé à entamer la mosquée. La mosquée, elle était de quoi? Elle était de marbre. Elle était de quoi, la mosquée? Il dit que quoi? Comme le rapporte Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, rahimahullah ta'ala, 100 coudées. Combien elle faisait la dimension de la mosquée du prophète? C'est une chose importante à savoir. C'est quoi la dimension? Certains qui prétendent connaître tout dans la biographie du prophète. Hein, des questions de base, quelquefois, qu'on pose. Quand est né le prophète, on ne sait même pas répondre. La mosquée du prophète, c'est important à savoir. La base de la transmission de la religion à partir d'une mosquée, qui est la mosquée du prophète, alayhi salatu wassalam. Petite, mais l'intention sincère, comme disent certains savants. Au jour d'aujourd'hui, il y a des mosquées gigantesques pour accueillir des nains. Alors qu'à l'époque, il y avait des toutes petites mosquées pour accueillir des géants. Ça n'a rien à voir. Maintenant, tu rentres dans une mosquée, tu restes comme ça. Alors que la mosquée, c'est fait pour quoi? Pour te faire oublier un peu de dunya. Maintenant, tu passes de dunya à dunya. D'accord? On ne dit pas qu'une mosquée, attention, comme certains le prétendent, elle ne doit pas être belle, elle ne doit pas être propre, elle doit abadan. Mais il ne doit pas avoir de gaspillage. Dans ce que tu utilises dans une mosquée, il faut que les choses que tu as utilisées dans cette mosquée, ils ont une nécessité. Quelqu'un va dire, oui, il va rentrer dans la mosquée, il va dire, mais il y a du lombris ici. Pourquoi vous avez embelli? Il y a une nécessité. Est-ce qu'il y a une nécessité ou pas? Il y a une nécessité. C'est clair, tout le monde, ça coûte, ça abîme, ça yani, empêche de faire du gaspillage quant à la peinture et autres. Il y a une nécessité. Quelqu'un va nous dire, oui, mais maintenant, vous avez mis un mihrab. C'est une bid'a. Hein? Il y a une nécessité aussi pour le mihrab ou pas? C'est quoi la nécessité ici? Pour Cheikh Al-Uthaymin, rahmatullah, il dit déjà qu'il n'y a aucune innovation dans ça. Contrairement à Cheikh Al-Albani, rahmatullah, vous voyez, il y a un khilaf, mais nécessité. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on aurait perdu un saf. Nous, on aurait perdu un saf, on n'a pas de place. Si on aurait tiré une barre, on aurait dû venir ici, parce qu'on avait besoin d'exploiter derrière, et on était restreint par rapport à la dimension de la mosquée. Donc il y a des nécessités. Quand tu fais une mosquée, tu ne le fais pas comme ça. D'accord? Surtout si tu as la responsabilité d'être la cause de la construction d'une mosquée, il faut que tous les détails soient ici construits, ou plutôt reposent sur quoi? Al-Qur'an wa Sunnah. Faire attention. D'accord? Donc, à la kulli hal, on voit que le prophète alayhi salatu wasalam a fait une mosquée très modeste. Ils ont mélangé, comme certains le rapportent, Ibn al-Qayyim et d'autres, ils ont mélangé du sable avec un peu de pierre et de la terre pour le sol. Yani, le toit a été fait de feuilles de palmier. D'accord? Yani, c'était des troncs qui faisaient yani les piliers. C'était quelque chose de très très modeste. Il y avait trois portes, comme le dit Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, rahimahullah ta'ala. Une porte appelée Bab al-Rahmah, une autre porte et une autre porte où le prophète alayhi salam rentrait et sortait par cette porte-là. D'accord? Et le prophète alayhi salam, comme il est rapporté par Ibn al-Qayyim et d'autres, ici, la mosquée du prophète, elle faisait 100 coudées. 100 coudées. Elle était carrée. Et elle était en direction de... Elle n'était pas en direction de Qibla. Elle priait vers où? Al-Khouts. D'accord? Au début, elle priait vers Al-Khouts. Pourquoi on appelle la mosquée Zou Qiblatayn? Comme on verra après par la suite. Donc au début, elle a été dirigée vers Al-Khouts. Et le prophète, il a rapporté que la mosquée, elle était à peu près carrée, 100 coudées. 100 coudées. Une coudée, c'est combien? C'est quoi une coudée là? C'est quoi une coudée? Ça, quelle heure, l'Aïcha? C'est passé, hein? 46. Oh, Rabbi. On termine avec ça. C'est quoi une coudée? C'est quoi, comme ça, en montrant la main? Voilà. D'accord? Du haut de la main jusqu'au coude. C'est à peu près, ils disent 50 cm, 45 cm. On multiplie par 100, ça fait à peu près 50 mètres carrés. D'accord? Pour avoir une idée. 50 mètres carrés, ici, dans 50 mètres carrés, a commencé. Yani, la transmission de la religion à partir d'une mosquée et on voit la répercussion. Donc ce qui nous importe, ce n'est pas la taille, mais c'est la qualité et les gens sincères qui sont dedans et la science qui est transmise dans cette mosquée. Wallahu ta'ala a'lamu ahkam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa jazakallahu.